Sans des bicyclettes, on vous démarre à cheval sur pont, on vous démorfe avec des voilettes, on vous dit bon pied, mûr et les pompons, on vous débouche, fêtez à la poirée.